Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. C'est une découverte tout à la fois belle et originale qui, une fois encore, est réalisée où on ne l'attendait pas, aux portes de la Camargue, un art de 20 000 ans appartenant aux phases initiales d'une des plus brillantes cultures du Paléolithique supérieur, le Magdalénien. Pour connaître la grotte de Lascaux en Dordogne, de Niaud et dans l'Aisne en Ariège, comme de la Marche dans la Vienne, je suis instantanément parti pour le site de Bellegarde afin de voir les récentes trouvailles. De superbes chevaux, mais aussi une exceptionnelle vulve rappelant l'origine du monde de Courbet. C'est à Nîmes que l'ensemble du mobilier est conservé. C'est donc là, à la direction Méditerranée de l'INRAP, que j'ai retrouvé l'équipe de chercheurs, et notamment Vincent Moore. Cela fait 20 000 ans que des groupes divers et variés s'arrêtent ou se fixent à Bellegarde. Les derniers en date, c'était bien sûr vous? Oui, effectivement, on a eu cette chance de venir fouiller à un endroit auquel on n'aurait jamais eu l'idée de s'intéresser a priori, coincé entre l'autoroute qui relie Nîmes et Arles et un centre d'enfouissement de déchets. Et sur quelques hectares, on a eu la chance d'avoir un ensemble d'occupations qui couvre 20 millénaires depuis le paléolithique jusqu'à l'époque moderne, en passant par le néolithique, ancien, moyen, récent, de la proto-histoire, des fours antiques, vraiment un ensemble d'occupations très très intéressant au même endroit pendant très longtemps. Ce que vous aviez donc, c'était aussi donc du médiéval, des tombes néolithiques? Oui, effectivement, il y a tout un tas d'occupations qui couvrent différentes périodes, depuis le paléolithique jusqu'à l'époque moderne, en passant par du néolithique avec des tombes à incinération qui sont assez exceptionnelles. Il y a aussi des fours antiques, il y a aussi des petites habitations médiévales qui sont très peu documentées dans la région, avec des architectures en terre crue très très intéressantes. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le Paléolithique supérieur, ce qu'on appelle le Magdalénien. Bellegarde n'est pas une grotte, mais un site de plein air. Dans ce cas, pourquoi donc ces hommes, ces groupes magdaléniens sont venus et revenus à cet endroit précis, et cela sur des millénaires? Oui, effectivement, on a un cumul de niveaux d'occupation qui couvre à peu près 4000 ans au même endroit. On peut penser qu'il y avait quelque chose qui devait être stratégique dans la région pour justifier ces occupations répétitives. Il y a encore à l'heure actuelle une petite source qui est présente, donc ça peut être un des éléments de réponse à cette question. Et puis il y a aussi le fait qu'on est dans une zone un peu stratégique en piémont des Costières de Nîmes avec une vue dégagée sur la Camargue, donc une vaste plaine qui devait être parcourue par des troupeaux d'herbivores et en particulier des rennes qui constituaient le principal gibier de ces populations magdaléniennes. Votre site appartient à la culture magdalénienne, une période qui est bien sûr capitale pour le Paléolithique supérieur, pour la fin de la préhistoire. Oui, alors le Magdalénien, pour citer André Leroy-Gourand, c'est une abréviation commode en fait, ça regroupe probablement des réalités très différentes hein, sur plusieurs millénaires, mais le point commun c'est cette chasse aux rennes qui est vraiment centrale, cette exploitation de cette espèce. Après il y a aussi des expressions artistiques très particulières, hein. On connaît les grottes de Lascaux, d'Altamira, de Niaud pour ne citer que les plus célèbres, et puis il y a aussi des façons de tailler le silex, essaie de façonner des objets en matière dure animale, en os et en ivoire, qui caractérisent ces groupes qui auront occupé une partie très importante de l'Europe occidentale entre 20 000 ans et 14 000 ans avant notre ère à peu près. Alors, justement, les silex, vous en avez juste là. On va se déplacer. On va aller les voir. Ce que vous avez, ce sont des toutes petites lamelles, des choses, c'est très fin. C'est en général très allongé, très joli, très bien fait. Alors bon, il y a plusieurs niveaux d'occupation. On a la chance d'avoir quasiment toute la séquence magdalénienne qui est documentée. On a surtout des niveaux du magdalénien inférieur initial, hein, qui est assez mal documenté dans la région et qui est caractérisé effectivement par la production de toutes petites lamelles, hein, des petites baguettes de silex qui font parfois moins d'un centimètre et qui ont été légèrement modifiées sur leur bord de façon à faire des armatures. Ce sont des objets qui servaient pour la chasse et qui étaient collés sur des projectiles. Et puis ici, dans des sortes de petits blocs où l'on voit des sortes de négatifs, donc. Alors voilà, là ce sont des nucleus, hein, ça veut dire noyau en latin, c'est le petit morceau de silex qui reste quand on a détaché les supports donc, qui servent pour fabriquer les armatures. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc, la chronologie est très longue et vous avez des datations extrêmement précises avec somme toute un magdalénien qui serait vraiment, vraiment ancien. Alors pour les niveaux les plus anciens, effectivement, on est au tout début de la période magdalénienne. On a des dates qui sont légèrement antérieures à celle de Lascaux, hein, qui est un peu considéré comme le point de départ du magdalénien pour l'Europe occidentale. Et donc on a effectivement la chance d'avoir sur la séquence 17 datations par le carbone 14 qui sont très cohérentes. Hein. On n'a pas toujours cette chance, mais là on a vraiment des dates qui sont tout à fait conformes à la lecture de la stratigraphie qui a été faite par nos collègues. Alors les dates sont vraiment très cohérentes. Si l'on prend les dates les plus anciennes, est-ce que l'on peut voir l'origine de cette culture puisée dans un autre univers, bien sûr, préhistorique ? Donc là, c'est une des hypothèses sur lesquelles on travaille encore à l'heure actuelle, mais effectivement, on a l'impression d'être un petit peu aux prémices de cette civilisation magdalénienne, avec peut-être des origines qui peuvent se trouver dans des faciès connus localement, qui s'appellent le salpêtrien, qui est un épisolutréen. Donc là, c'est effectivement des industries qui sont assez atypiques et assez spécifiques à notre région, un peu en marge de l'aire de diffusion ultérieure du magdalénien. Cette culture dure plusieurs millénaires. Quelle est la chronologie exacte de cette période ? Pour le tout début de la période, on est dans des dates qui sont autour de 20 000 ans avant l'ère chrétienne. Et pour Bellegarde, on finit à peu près autour de 16 000 ans avant l'ère chrétienne avec le magdalénien supérieur ancien. À cette époque préhistorique, les temps n'étaient visiblement pas très cléments aux marges de la Camargue. Bon, il faut relativiser. Effectivement, on est à la fin de la dernière période glaciaire, mais on est quand même sous des latitudes assez peu élevées. Donc, on a quand même sûrement des saisons estivales qui sont relativement clémentes. On a la chance d'avoir quelques idées sur le paléo-environnement grâce à l'étude des charbons de bois qui a été réalisée par Pierre-Antoine Beauvais. Et donc, pour les niveaux les plus anciens, on sait qu'on a du pin de type sylvestre. Pour les niveaux un petit peu plus récents, on a des traces de bouleaux, donc avec un environnement qui est quand même moins rigoureux que ce qu'on peut rencontrer sous les plus hautes latitudes. Et puis vous avez du renne. Et il y a effectivement du renne, donc dans les différents niveaux magdaléniens. Pour le magdalénien inférieur, on a plutôt du cheval qui a été chassé, mais on a effectivement pas mal de renne dans les niveaux plus récents. Les fouilles préhistoriques sont toujours bien sûr les plus délicates, les plus minutieuses, afin bien sûr de ne rien manquer. Vous tamisez absolument tous les sédiments pour retrouver justement les petites pointes que vous évoquez. Votre site, vous l'avez intégralement fouillé ? Alors malheureusement, en archéologie préventive, c'est rare qu'on puisse faire un travail exhaustif sur les sites. On a une approche un petit peu statistique. On a accès à une partie de la documentation qui, de toute façon, serait définitivement perdue. Après, c'est vrai que là, on a eu la chance de pouvoir mettre en place un tamisage à l'eau systématique. On a tamisé plusieurs dizaines de milliers de litres de sédiments pour recueillir tous les petits fragments de silex. Et sachant que c'est parfois les plus petits qui sont porteurs d'informations. Par chance, vous aviez collecté tous les petits bouts de pierre, les petites plaques de calcaire. pensez-vous cependant que vous auriez pu en rater On a fait un travail assez systématique de collecte des fragments, qui même ceux qui semblaient naturels, parce qu'on avait espoir de faire le lien entre différents secteurs du site. On a vu qu'il y avait des fragments de plaquettes de calcaire qui étaient présents. Donc on voulait essayer de faire des remontages, hein, une espèce de puzzle, de façon à faire le lien entre différents secteurs. Et c'est grâce à ce prélèvement systématique qu'on s'est rendu compte que certains de ces fragments portaient des traces de gravure. C'est notre collègue Luc Vosny qui nous a alerté le premier sur la présence de ces gravures. Donc ce n'est pas sur le terrain, mais c'est lors de la phase d'étude, lors de la phase de lavage, que vous avez mis en évidence des gravures ? Ça a été une des surprises de la phase d'étude, en fait. Au moment du lavage systématique des fragments de plaquettes en calcaire gréseux, notre collègue Luc Vosny a découvert que certaines portaient des gravures. C'est très fin ? Effectivement, c'est des tracés qui ont été réalisés à la pointe de silex et qui sont assez discrets, qui n'avaient pas été perçus au moment du terrain. Quelles sont les plaquettes gravées les plus anciennes ? Et d'ailleurs, que représentent-elles ? Dans les niveaux les plus anciens, on a plusieurs plaquettes gravées. Les deux les plus emblématiques en l'état actuel de nos recherches, ce sont deux petites plaquettes qui font quelques centimètres, moins de 10 centimètres, et qui portent des éléments figuratifs. Sur la première, on peut voir un profil de cheval avec des éléments assez détaillés, notamment les oreilles, la crinière, le naseau, la ganache. Et sur la deuxième, on peut voir trois petits profils de chevaux côte à côte, avec un petit peu moins de détails, mais qui sont tout à fait identifiables. Alors les objets sont juste là, on va se déplacer, on va aller quand même les voir. C'est le grand privilège de pouvoir voir en réel ce genre d'objet. Alors c'est des plaquettes, oui, c'est assez mince, c'est plat, c'est jaune. Et ce n'est qu'en allumant une lumière que l'on se met à voir un cheval, par exemple, ici ? Celle-ci, c'est celle qui porte un profil de cheval sur lequel on voit bien la ligne de front, on voit l'encolure, on voit les deux petites oreilles qui sont représentées par deux petits tirés qu'on appelle en antenne d'un point de vue stylistique. Et puis on voit aussi le naseau et la ganache qui est très caractéristique. L'œil aussi, non ? Alors l'œil, bon, Oscar Fuentes, qui est notre collègue du CNP qui a fait l'étude, pense que ça peut être une petite encoche, une petite cupule naturelle. Mais effectivement, il est tout à fait bien positionné par rapport à l'anatomie du cheval. Donc on ne peut pas s'empêcher d'y voir un œil, effectivement. Alors les oreilles sont très très particulières. Ce sont deux petits traits, tout simplement. C'est ce que vous appelez donc en forme d'antenne, une sorte de détail stylistique qui est déjà connu visiblement. Oui, ça c'est encore une fois c'est le travail d'Oscar Fuentes qui a pu montrer ça. Effectivement, ces petites oreilles en antenne sous forme de petits segments, c'est un trait stylistique qu'on retrouve dans différents sites. Alors il y en a un certain nombre en Ardèche, mais on retrouve ça aussi de manière très intéressante de l'autre côté du Rhône, donc dans cette province qui, à cette époque-là, est occupée par des gens qui sont porteurs d'une industrie qu'on appelle l'épigravétien. Et dans cette zone-là, il y a en particulier la grotte Cosquer, dans laquelle on voit également des profils de chevaux avec ces petites oreilles en antenne. Et de l'autre côté, par contre, dans la sphère magdalénienne plus classique, on retrouve ce trait stylistique très particulier dans la grotte de Lascaux. Alors comment se fait-il qu'une sorte de caractère stylistique marche dans différentes cultures de la préhistoire ou du paléolithique supérieur ? Ben effectivement, c'est cette découverte qui est un petit peu à la frontière entre ces deux mondes. Elle nous permet d'interroger un petit peu ce paradigme qui prévaut à l'heure actuelle, qu'on ait affaire à deux aires culturelles bien hermétiques. Et ça corrobore un petit peu les premières interrogations qui ont été émises par rapport aux industries en silex. On a toute une génération de jeunes collègues qui ont fait des travaux de thèse récemment et qui montrent que peut-être ces deux provinces ne sont pas si hermétiques et si distinctes qu'on a pu le dire par le passé. Ou que les styles en art pariétal ne marchent pas aussi. Alors bon, là, je m'aventurerai pas sur ce terrain-là, n'étant pas spécialiste de ces questions-là. Je laisse mes collègues répondre par rapport à ça. Effectivement, il n'y a pas non plus 50 000 façons de représenter des oreilles de chevaux, mais là, en l'occurrence, ces petites oreilles en antenne, c'est plutôt une option qui n'est pas universelle. Donc, on peut aussi y voir un style particulier. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. La deuxième plaque est un peu plus grande. Et qu'est-ce qui apparaît dessus ? Un cheval ? Donc là, on a trois petites têtes de cheval. La première à gauche est un petit peu plus détaillée. On y voit très clairement l'œil qui a été dessiné. On y voit la ganache également, hein, au niveau de la joue. Et on y voit une ligne de front. Et après, on a ce motif qui se répète, mais encore un petit peu plus discret, à deux reprises à droite de la première tête, avec toujours le front, un œil pour la première, la ganache, et puis juste simplement le front et la ganache pour la troisième. Alors moi, ce que je vois, c'est surtout des sortes d'incisions qui partent de biais, qui représentent ce qu'on appelle le chanfrein du cheval. Oui, voilà, effectivement, ouais. C'est le terme technique de nos collègues. Les trois chevaux sont quasi alignés. Ça ressemble à ce que l'on peut voir dans d'autres grottes, ce genre de choses-là, une sorte d'alignement en perspective d'animaux. Oui, effectivement, on trouve assez fréquemment ce genre de répétition d'un même motif au Magdalénien pour donner une espèce d'impression de troupeau en répétant le même motif à différentes reprises. Et ça, donc, dès les débuts de l'art, on pense bien sûr à la grotte Chauvet, où l'on a comme ça des séries d'animaux absolument extraordinaires. Alors oui, dans une chronologie beaucoup plus ancienne, au tout début de l'art pariétal paléolithique, on retrouve aussi ce procédé qui consiste à répéter des figures pour donner une impression de nombre. L'art sur plaquette est bien sûr très présent dans les grottes, curieusement. Elle est beaucoup moins dans les sites de plein air. Pourquoi ? Oui, alors effectivement, bon, il y a quelques exceptions, notamment il y a des sites en Allemagne comme Gunnersdorf où il y a énormément de plaquettes, mais sinon on connaît ça plutôt dans des sites en grotte, que ce soit dans les Pyrénées ou dans le sud-ouest ou dans la Vienne, il y a des sites en grotte où il y a plusieurs milliers de plaquettes qui ont été mises au jour. Après, effectivement, il y a peu d'exemples d'analogues pour des sites de plein air. Alors, on peut se poser la question de savoir si ces éléments ont toujours été identifiés, toujours détectés. On ne trouve que ce qu'on cherche, mais on peut espérer que cette découverte amène nos collègues à énormément de vigilance. Après, il y a des découvertes récentes de petites plaquettes gravées ou de galets gravés dans les sites classiques du Magdalénien, du bassin parisien, qui ont été identifiés aussi. Mais c'est un petit peu une exception, c'est vrai. Dans la grotte d'Anlaine ou dans celle de La Marche, dans la Vienne, nombre de plaquettes sont brisées. Peut-on penser que les vôtres aient été volontairement cassées ? Alors pour les exemples dont on vient de parler avec les profils de chevaux, on a l'impression que le motif est plutôt centré par rapport à la plaquette et que les traits ne se poursuivent pas au-delà d'une éventuelle cassure. Après, on a quand même sur le site, on a environ 80 plaquettes qui portent des traces ou des indices de gravure, et peut-être que la suite des études montrera que certains ont été brisés et qu'elles sont incomplètes. Mais pour l'instant, là, on n'a pas de preuves dans ce sens. 80 plaquettes gravées, donc seules 3 sont réellement figuratives. Oui, pour l'instant, on a vraiment réussi à identifier des figures sur seulement 3 de ces 80 plaquettes. On connaît l'art, bien sûr, des parois, ce que l'on appelle l'art rupestre, celui des objets, l'art mobilier. Vous pensez être sur une troisième sorte de cas ? De quoi pourrait-il s'agir ? Alors là, pour les petites plaquettes dont on vient de parler, ce sont des objets qui sont vraiment mobiliers. Mais ce qui est intéressant à Bellegarde, dans les niveaux du Magdalénien initial, c'est qu'on a aussi de très grandes plaquettes qui portent des indices de gravure, mais qui ont été retrouvés brisés sur place au sein de l'habitat. Et là, on est sur effectivement quelque chose de très différent. On ne peut plus parler d'art mobilier, hein, parce que ce sont des objets qui pèsent plusieurs kilos. Mais on est sur une forme d'art qui était au sein des occupations, au sein de l'espace domestique. Donc ça s'éloigne un petit peu de l'image qu'on a traditionnellement d'un art pariétal qui ne serait réservé qu'à quelques initiés dans l'espace confiné des grottes obscures. Là, vous en avez remonté une, donc d'où l'intérêt de tout collecter, hein, bien sûr. Vous avez réussi donc à reconstituer une sorte de grande plaque avec visiblement en son milieu donc une sorte de gros impact. Donc effectivement, c'est une grande plaque qui fait une cinquantaine de centimètres, toujours du calcaire gréseux. Et sur cette plaque, on voit des petites traces de gravures. Alors malheureusement, la surface d'une partie de cette plaque a été un petit peu desquamée, a été un petit peu érodée. Donc on n'arrive pas vraiment à identifier une figure ou un animal particulier, mais on a vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose de gravé dessus. Alors vous pensiez que sur le terrain, ces dalles aurait été dressé tout simplement. Le travail d'observation et de relevé sur le terrain qui a été fait a permis de démettre cette hypothèse qu'on aurait eu des dalles, ces dalles d'une cinquantaine de centimètres qui étaient fichées dans le sol au sein de l'occupation, peut-être appuyées sur des parois de tente ou peut-être à l'intérieur des habitations elles-mêmes. On connaît bien sûr l'art des parois, on connaît l'art mobilier. Là, nous serions sur un troisième cas. Je cherchais des références similaires. Par exemple, le grand galet d'Étiole avec des chevaux gravés, qui appartient d'ailleurs à la même période, au Magdalénien. Le fameux gros galet d'Angoulême, qui est un petit peu tardif. Ou, par exemple, les découvertes de Daoulas rappellent ce genre de découvertes, les vôtres. Oui, alors bon, on est un petit peu à l'autre extrémité de la chronologie du Magdalénien. Les exemples que vous venez de citer sont vraiment tout à la fin de cette période. Mais on est effectivement dans un art qui est au sein de l'espace domestique et qui est du coup peut-être visible un petit peu plus par l'ensemble des groupes. Contrairement à ce qui a pu être le cas dans certaines grottes où parfois on sait qu'il y a un seul individu même qui peut voir la figure tant aller dans des boyaux inaccessibles. La plus étonnante découverte est une gravure explicite, une vulve, elle est juste à côté. Oui, donc là on retrouve une petite plaquette de quelques centimètres qui est, elle, issue du niveau magdalénien moyen. Elle porte une figure qui a été interprétée comme une vulve, avec certaines particularités, donc les dessins de figures féminines partielles sont bien connues au paléolithique. Elles sont plutôt en général trouvées dans les niveaux des débuts du paléolithique supérieur, à l'Aurignacien en particulier, mais on en connaît au Magdalénien déjà par ailleurs. Là, ce qui fait sa spécificité, c'est qu'il n'y a pas que la vulve, il y a également le départ des membres, des jambes, de part et d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Alors, encadré par le haut des jambes, comme l'origine du monde, bien sûr, de Courbet, nous voici devant un dessin tout à la fois réaliste et exagéré. C'est que ces jambes sont absolument rarissimes dans l'art préhistorique. Oui, effectivement, on ne connaît à l'heure actuelle qu'un exemple similaire dans une grotte de Dordogne qui s'appelle la grotte de Cazel. Donc c'est une gravure sur une paroi de grotte, donc on n'a pas de moyen de datation directe. On ne savait pas jusqu'à présent à quelle époque la situer, si ce n'est qu'elle était paléolithique. Et donc là, avec la découverte de Bellegarde, on a peut-être un lien entre ces deux sites qui vient de s'établir. Cazel est absolument daté ou pas du tout ? Non, malheureusement, il n'y a pas de moyen de datation directe dans la mesure où c'est une gravure sur une paroi. On n'est pas dans le cas où c'est un dessin qui aurait été tracé avec du pigment à base de charbon pour lesquels on pourrait faire une datation par le carbone 14. Et il n'y a rien d'autre dans cette grotte ? Et il n'y a pas de fouille qui a été réalisée dans cette grotte à ma connaissance. C'est la pièce, bien sûr, la plus extraordinaire que vous avez trouvée ? C'est une pièce assez originale, effectivement. Après, c'est toujours un petit peu étonnant d'être confronté à ce genre d'image, oui, effectivement. Il faut aussi peut-être évoquer la découverte de Fontainebleau, qui est une belle découverte faite par l'Université de Paris 1, Boris Valentin, qui était venu en parler. Là aussi, une vulve isolée. Alors oui, je connais pas aussi bien le contexte ni la découverte en elle-même. Je ne la connais qu'à travers quelques lectures. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez reprendre toutes les plaques, les observer à lumière rasante et haute pour voir s'il pourrait y en avoir encore des choses ? Donc on a un travail de relevé qui a été commencé par Oscar Fuentes du Centre National de Préhistoire. Il va poursuivre son travail méticuleux d'observation avec des lumières rasantes, des clichés, avec des éclairages sous différents angles de façon à faire des relevés les plus exhaustifs et les plus complets possibles, notamment de la grande plaque dont on a parlé tout à l'heure. Alors, la plaque avec la vulve est juste devant nous. Ce que l'on voit, c'est vraiment pas grand-chose. Vous avez repris donc les photos en lumière rasante. Vous l'avez redessiné pour que l'on voit réellement de quoi il s'agit. Jouer un petit trait sur le côté, là, par exemple. Ça n'aurait pas de sens ? Alors ce trait, dans mes souvenirs, il me semble que Oscar l'a écarté de son relevé comme étant naturel, effectivement. Vincent Moore, ce site de Bellegarde, c'est une véritable exception. C'est même tout à fait étonnant qu'il ait été fouillé. Il aurait pu bien sûr être détruit ou encore conservé et jamais découvert. C'est une des grandes chances qu'on a à travers l'archéologie préventive, c'est d'aller explorer des endroits auxquels on n'aurait jamais pensé a priori. Là, une zone de piémont comme ça, coincée entre la Costière de Nîmes et la plaine de la Camargue, aucun archéologue sensé n'aurait pensé à aller faire un trou de 7 mètres de profondeur à cet endroit-là. C'est l'extension d'un site d'enfouissement de déchets qui nous a offert cette opportunité-là et qui nous a permis d'explorer 20 millénaires d'occupation à cet emplacement. Ce qui est peut-être dommage, c'est que tout n'a pas été fouillé. Alors bon, après, on ne maîtrise pas forcément toujours le périmètre qui va être prescrit. Ça, ce sont nos collègues du ministère de la Culture qui sont en charge de ça. Ils doivent évidemment composer avec la réalité de l'aménagement du territoire et puis l'intérêt scientifique. Mais évidemment, les décisions qui ont été prises vont dans le bon sens, dans la mesure où on a quand même énormément d'informations, beaucoup plus que ce qu'on pensait à partir des données du diagnostic, de la phase de sondage préliminaire qui avait mis en évidence un niveau d'occupation. Là, on a au moins une dizaine de niveaux d'occupation qui correspondent à 5 grandes phases du Magdalénien. C'est une masse de données vraiment phénoménale. Bellegarde est aussi culturellement à la frontière de deux mondes. Au nord, donc, les Magdaléniens dont nous parlons, et puis bien sûr au sud, et notamment en Italie, ce que l'on appelle l'épigravétien. Donc nous serions à la frontière de ces deux univers. Oui, si on s'en réfère aux idées dominantes qui prévalent à l'heure actuelle, il y aurait une frontière plus ou moins naturelle qui correspondrait au Rhône et à la Durance et qui matérialiserait la limite entre l'ère magdalénienne au nord et à l'ouest et puis l'ère épigravétienne à l'est qui s'étend en Provence et bien au-delà à toute la péninsule italique. Et au-delà encore. Alors si je reprends, nous avons des gravures. Certaines gravures rappellent notamment Lascaux et appartiennent donc bien à cette culture magdalénienne. On est bien dans le fait. D'autres rappellent la grotte Cosquer qui, elle, serait plutôt épigravétienne. Alors j'irai pas jusque-là, sinon je pense que mes collègues bondiraient. En fait, Cosquer, on a un petit peu du mal à l'attribuer à un faciès, une culture matérielle, dans la mesure où il y a très peu de silex qui ont été trouvés. Ce qu'on sait, c'est que d'un point de vue géographique, il est au sein de l'ère épigravétienne, et d'un point de vue chronologique, la deuxième phase d'occupation et de fréquentation de la grotte est à peu près dans les mêmes chronologies que les niveaux de Bellegarde les plus anciens. Ce qui est très, très intéressant, c'est que donc la grotte Cosquer est de nouveau investie et de nouveau étudiée. Donc on attend beaucoup d'elle. Ah oui, bien sûr, évidemment, tous les regards sont tournés vers les travaux en cours à Cosquer. Qu'est-ce que l'on connaît justement dans cette autre culture des épigravétiens, notamment en Italie? Est-ce que l'on a aussi de l'art, des grandes découvertes? Alors l'art épigravétien est connu notamment avec des œuvres sur blocs calcaires, notamment dans les sites du nord de l'Italie. On est sur la plupart du temps des choses qui sont beaucoup moins figuratives, c'est-à-dire on n'a pas des animaux aussi réaliste que ce qu'on peut avoir dans le Magdalénien. Il y a notamment pas mal de figures géométriques. Il y a quelques figures anthropomorphes qui ont été réalisées à l'ocre rouge. Mais on est d'un point de vue stylistique, on est sur des choses assez différentes. Après, il y a quelques analogues avec ce qu'on a découvert à Bellegarde, notamment en Sicile, dans des grottes aussi qui ont des gravures attribuées à l'épigravétien. Et puis, quand on parle de cette période, il faut parler aussi des tombes qui ont été découvertes. Vous en avez d'ailleurs trouvé une, l'homme de Cuge. Mais on a aussi donc d'autres tombes dont j'ai souvenir un individu qui était paré de dents de renard, c'est ça? Alors, je pense que ça, c'est la grotte de Villa Bruna dans l'épigravétien, dans le nord de l'Italie, effectivement. Et puis, il y a quelques années de ça, on a eu la chance de fouiller une sépulture épigravétienne à Cuges-les-Pins avec l'INRAP, effectivement. C'est un site tout à fait exceptionnel, à la fois une sépulture en plein air et de ce côté-ci des Alpes. Il n'y a pas d'équivalent connu jusqu'à présent. Vincent Moore, merci. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Fabien Capel et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et d'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.